Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence « La représentation de la mort dans les journaux des tranchées allemands » avec l'auteur Jean-Claude Fonbaron dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginales. Alors on a le plaisir d'accueillir Jean-Claude Fonbaron, qui est historien, toujours président de la Société philomatique vosgienne. Oui, j'ai tellement l'habitude que je finis par même plus m'interroger sur des évolutions. Voilà, donc la Société philomatique vosgienne à Saint-Dié, grand connaisseur de la Grande Guerre, et qui a accepté avec cette édition des Imaginales sur le thème « Memento Mori », donc « Souviens-toi que tu meurs », de venir nous parler de quelque chose qu'il nous avait déjà alors présenté sous forme d'une petite présentation, un petit diaporama, il y a déjà maintenant longtemps. Je pense que c'était dans les premières éditions où on venait aux Imaginales, il y a 6 ou 7 ans, sur la représentation de la mort dans les journaux de tranchées allemands. Et on lui a demandé s'il acceptait de venir la représenter pour cette édition sur la mort, parce que j'avais été frappé justement par toutes ces représentations que l'on pouvait avoir à la fois avec une grande diversité et qui montre que comment dans un contexte de guerre ne pas se souvenir que l'on est mortel et comment essayer d'exorciser ou je sais pas apprivoiser peut-être cette mort du quotidien. Merci beaucoup Jean-Claude d'avance et je te laisse la parole. Voilà, merci de m'avoir invité, merci d'être aussi nombreux, bien entendu, mais bon. Comme habituellement, j'allais dire, quand je m'inscris, je dis « vous pouvez me mettre n'importe quelle heure, n'importe quel jour ». Donc habituellement, on me réserve des créneaux qui ne sont pas demandés par d'autres. Donc voilà. Mais ce n'est pas pour autant que, on ne va pas présenter quelques petites choses, je l'espère, inédites, donc pour beaucoup d'entre vous. Alors bon, cette thématique qui peut apparaître comme étant une thématique un peu... spécial, spécialiste ou un peu serré, entre guillemets, parce que déjà, ça laisse entendre qu'il faut connaître et qu'il faut savoir qu'il y a eu des journaux de tranchées qui ont été, des journaux du front, qui ont été réalisés par les soldats allemands lors de la Première Guerre mondiale. Ça laisse entendre aussi que dans ces journaux, il y a eu des représentations de la mort. Et ça pose plus généralement un questionnement qui a été évoqué il y a quelques années dans un colloque à Reims qui était sur la thématique le soldat et la mort. Bon, parce que c'est vrai que la mort, on le verra tout à l'heure, la mort et le soldat ont quand même un rapport intime. Le soldat, c'est celui qui peut mourir de façon préférentielle par rapport à d'autres, puisqu'il est là, je ne veux pas dire pour ça, mais qu'il est exposé effectivement à la mort, mais c'est aussi celui qui donne la mort. Donc c'est un rapport entre la mort et le soldat qui est apparent, y compris, j'allais dire, dans les représentations les plus anciennes que l'on peut trouver. Donc indépendamment de ce rapport entre le soldat et la mort, la représentation de la mort par le soldat, par le soldat allemand, il y a également, j'allais dire, quelques petites remarques parallèles que l'on peut faire, j'allais dire, sur le plan culturel. C'est-à-dire, la perception de la mort chez le combattant allemand n'est pas la même que la perception de la mort chez le combattant français. Déjà, il y a quelque chose de fondamental, c'est que... dans le vocabulaire allemand, ce n'est pas la mort, c'est le mort. Le mort est masculin. Chez nous, c'est la mort. La mort est féminine. Ce qui induit déjà quelques rapprochements qui pourraient nous apporter d'autres petites... Et ce n'est pas la seule. Dans un autre domaine, je rappelle que pour nos collègues d'Outre-Rhin... La lune, ce n'est pas la lune, c'est le lune. C'est-à-dire, la lune, pour eux, c'est masculin. Et le soleil est féminin. Ce qui est quand même aussi, là aussi, j'allais dire, quelque chose d'intéressant à creuser, si j'ose dire, parce qu'on n'a pas les mêmes références. On n'a pas les mêmes références. Masculiniser ou féminiser une notion, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Donc il y a déjà ce petit fossé culturel, en tout cas cette petite différence culturelle qu'il est intéressant de noter. Alors si justement on entre maintenant plus ou moins dans le vif du sujet, parce qu'il faut parler un peu de la période d'avant la guerre de 14 et des représentations qui peuvent exister de la mort et de la mort et du soldat ou de la mort dans un contexte de guerre ou dans un contexte militaire, il y a tout d'abord les références à des grands classiques. Voilà, donc ici vous avez Hans Holbein, Les simulacres et historiés face de la mort de 1538. Et cette période-là, 16e siècle, 15e siècle, c'est là où on voit apparaître et se répandre les fameuses danses macabres que l'on va retrouver reproduites partout, dans le cimetière des Saints Innocents à Paris, dans beaucoup de lieux consacrés de l'Église, et bien entendu qui seront reprises également à titre d'illustration et à plus forte raison un peu plus tard quand on aura la possibilité d'imprimer ces représentations. Et donc là, on constate quelque chose de particulier quand on regarde ces fameuses danses macabres, entre guillemets. Ces fameuses danses macabres, elles concernent, quand elles concernent des civils, la vie civile, entre guillemets, quand il y a une représentation de la mort, en fait, si j'ose dire, ne tue pas. La mort, c'est celle qui vient chercher, c'est celle qui prend par la main, c'est celle qui agrippe, c'est celle qui accompagne. Mais la mort ne tue pas. Elle ne tue pas. On ne voit pas d'exemple d'une représentation de la mort en train de poignarder un vivant ou d'étrangler un vivant ou que sais-je encore. Elle a un rôle d'accompagnement. Alors que, avec le militaire, avec le soldat, ce n'est plus du tout la même relation. C'est-à-dire que la mort tue le soldat. C'est le seul moment où, effectivement, dans cette histoire iconographique, elle tue. Elle est acteur, elle n'aura pas accompagnatrice. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite, 1547, donc c'est des reprises d'Holbein, et on trouve même chose, le soldat s'affrontant à la mort. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les siècles qui vont suivre, selon les modes, bien entendu, qu'on va trouver à différents moments, décliné soit sur les champs de bataille, soit autrement. Et justement, l'intérêt un peu, j'allais dire, de cette communication, à mon sens, c'est de voir qu'il y a une filiation culturelle et historique très importante entre ces représentations du XVIe siècle, en l'occurrence, d'une part, et d'autre part, des représentations qu'on va retrouver pendant la Première Guerre mondiale du côté allemand. On a ici l'ossuaire de Marville, que certains connaissent probablement. Cet ossuaire de Marville qui, en 1915, était dans le secteur allemand du front. Il a été énormément photographié par les soldats allemands, mais ça nous permet justement de faire un petit saut en arrière, c'est-à-dire sur la présence des ossuaires. Sur la présence des ossuaires, parce que la mort a son histoire, surtout dans notre société, j'allais dire, et dans la société chrétienne à partir du moment où elle sera chrétienne, c'est-à-dire que la mort a son histoire particulière, et elle a son évolution, et donc il y a une évolution dans la représentation, justement, de la mort. Bon, cette année, c'est des années d'anniversaire, mais on ne va pas célébrer l'année 1274, l'année 1274 qui a été l'année où est née la notion de purgatoire. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ça, le purgatoire? C'est-à-dire qu'on assiste dans cette période-là, 13e siècle, et ensuite 14e, 15e, à une évolution. Auparavant, ce n'était pas compliqué, il y avait le paradis et il y avait l'enfer. Bon, c'était un peu problématique, surtout quand on s'est aperçu, sur le plan des autorités religieuses, qu'il y avait peut-être à y gagner, dans tous les sens du terme, à partir du moment où il y avait une notion intermédiaire, c'est-à-dire que si on ratait le paradis, il pouvait y avoir une session de rattrapage. Et on va miser sur cette session de rattrapage. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, on va pouvoir se racheter. On va pouvoir se racheter, on va pouvoir bénéficier d'un statut un peu particulier, puisque ce sera plus soit d'un côté, soit de l'autre. Et, bien entendu, on va en profiter, puisque c'est là qu'on va faire dire des messes pour les âmes du purgatoire qu'on va inventer, en l'occurrence, etc. C'est là qu'on va essayer de se dédouaner un tout petit peu pour dire « j'ai fait pas mal de choses vilaines, je risque l'enfer et par conséquent, je préférerais le purgatoire, donc il faut que j'agisse en conséquence ». Et donc, à partir de ce moment-là, s'impose également la période du macabre. C'est-à-dire, autant auparavant, tout ce qui était évocation de la mort ne pouvait pas être figuré, autant on arrive dans une période où on va avoir la représentation des danses des morts, on va avoir des représentations aussi, quand on voit Ligier Richier, le transi qui est légèrement postérieur, mais on va avoir des représentations, on osera dessiner la mort. Non seulement on osera la dessiner, mais on la rendra beaucoup plus proche, et notamment avec ces histoires d'ossuaires. Des ossuaires, il y en a énormément, il y en a eu énormément. Bon, tout simplement, et surtout dans cette période-là, 13e, 14e, plus encore 15e siècle, 16e siècle, parce que le problème, les inhumations ne devaient s'effectuer dans le domaine chrétien qu'autour des édifices consacrés. On ne pouvait être enterré, quand on appartenait à la communauté, que dans un cimetière qui était autour, voire même dans un édifice religieux, pour certaines tombes, autour d'une chapelle. Et les cimetières extérieurs, ça n'était plus du tout la mise. Donc, à partir du 7e siècle, il va y avoir effectivement donc, des cimetières autour de tout ce qui est chapelle, autour de tout ce qui est aussi oratoire à certains moments, dans certaines régions, et bien entendu autour des églises. Le problème, c'est que ces endroits-là ne sont pas extensibles. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on songe à un moment, il va y avoir une crise de logement, entre guillemets, chez les trépassés, et il va falloir exhumer pour pouvoir réinhumer. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer des ossuaires. Et des ossuaires, il y en a eu partout, absolument, dans toutes les églises, avec toutes les chapelles, il y avait obligatoirement des ossuaires. Bon, tout ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est sorti complètement de notre mémoire collective, parce qu'aujourd'hui, on a la mort plutôt honteuse, si j'ose dire, c'est-à-dire que toute représentation de la mort, voire même toute pensée de la mort, est complètement bannie de l'espace public, et on espère encore plus le bannir de la tête de tout un chacun. On ne doit plus penser à la mort, et on ne doit plus l'évoquer. Bon, à part dans les films, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ce qui veut dire qu'on a une période où la mort va imposer sa présence. C'est-à-dire que les ossements vont être présents absolument partout dans l'environnement des croyants. Quand on allait à l'église, on traversait le cimetière, il y avait des ossuaires qui se trouvaient dans les édifices religieux, dans les combles des édifices religieux, et qui se trouvaient également donc, dans des petites cabanes, cambuses, qui étaient aménagées en tant que telles. Bon, si vous allez faire un tour à Kaisersberg, vous aurez l'occasion de voir encore un ossuaire bien conservé, si j'ose dire. Ne parlons pas de Marville. Mais tout ça pour dire que la mort revient, elle est omniprésente, donc à partir du 13e, 14e, plus encore, 15e, 16e siècle. On la représente, elle est partout. Il s'agit de faire réfléchir les gens à la mort par le spectacle de la mort, par le spectacle S'il reste des morts. Et ça va dans le sens de l'évocation que j'ai faite rapidement tout à l'heure de la question du purgatoire. C'est-à-dire qu'il faut montrer, les effets de la mort pour que les fidèles se sentent un peu percutés par cette idée que, effectivement, avec tout ce qu'on va voir se décliner comme, comme terminologie, comme proverbe quasiment, hein, souviens-toi que j'étais comme toi et que demain tu seras comme moi, etc. Hein, la légende des trois vifs et des trois morts en particulier. Donc on voit justement à ce moment-là qu'il faut faire réfléchir à la mort et surtout réfléchir à ce qui se passera après la mort. D'où justement le raccord avec cette histoire de purgatoire. Tout ça pour dire que c'est une époque où effectivement la mort est omniprésente, y compris, j'allais dire, sur le plan graphique, y compris sur le plan de l'environnement. On fréquente la mort, ou du moins les vestiges des corps touchés par la mort, et donc ça doit nous faire réfléchir. Ça va évoluer. On sait très bien qu'à partir, en gros, de la fin du 18e et du début du 19e, les cimetières vont être relégués à l'extérieur des villes pour des raisons sanitaires la plupart du temps, hein, et qu'on va voir disparaître de notre environnement à partir de ce moment-là tout ce qui rappelait cela. Si on prend simplement l'ensemble ecclésial, l'ensemble des églises donc de Saint-Dié, dont une église est devenue cathédrale au 18e, si on prend cet ensemble-là, il y avait un cimetière dans le cloître, il y avait des tombes dans les rangées du cloître, et il y avait une travée du cloître dans le grenier duquel, entre guillemets, on entreposait les crânes, les olons des trépassés qu'on exhumait. Il y avait un cimetière tout autour de ce qui est devenu la cathédrale, et il y avait un cimetière autour de la petite église qui était l'église Notre-Dame, plus deux ossuaires pour chacune des deux églises qui sont pourtant très proches l'une de l'autre. Donc ça veut dire qu'on était dans un milieu macabre, entre guillemets, et que ce milieu-là, aujourd'hui, bon, le problème qu'on a, c'est que on va dans le cloître de Saint-Dié, on s'imagine qu'on est dans un jardin de curé, entre guillemets, on s'imagine qu'on rêve à toute cette cathédrale rose, etc. On a même fait disparaître pas mal de croix, donc ça veut dire qu'on pourrait être dans n'importe quel lieu de culte. Et on a une totale disparition de tout ce qui peut rappeler la mort. Il n'y a plus rien, même plus une croix. Alors qu'auparavant, dans les cimetières, c'était même pas les croix individuelles. Les croix individuelles sont apparues relativement tardivement. C'était une grande croix collective pour tous. Tout le monde logé à la même enseigne. Voilà, donc ça veut dire, là aussi, bon, on empiète peut-être sur la conclusion, à savoir qu'effectivement, on n'a plus du tout aujourd'hui le même rapport à la mort. On ne trouve plus rien qui puisse évoquer la mort dans notre environnement. Que nous sommes dans une rupture, j'allais dire, de tradition. Rupture d'une tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui a encore perduré pendant la guerre de 14, où on a retrouvé, à cause des événements, bien entendu, on a retrouvé le sens de ce qu'on avait perdu depuis déjà un siècle ou deux. Donc ici, on a découpage, si j'ose dire, de Melchior Grosseck, Gestalten des Todes, donc qui date de 1923, tout simplement parce que Melchior Grosseck en question était pasteur berlinois, il est également peintre, et il a eu deux frères donc, qui ont été tués pendant la Première Guerre mondiale, en 1915 et l'autre en 1918. Et donc, il a, pendant la guerre, après 1918, réalisé donc, toute une série justement sur le visage, le rôle de la mort pendant la guerre, en s'appuyant justement sur l'impact qu'avait provoqué chez lui la mort de ses deux frères. Et donc on a des représentations symboliques assez intéressantes ici avec justement la mort en tant que marionnettiste qui manipule les soldats qui se battent les uns contre les autres. Une image, j'allais dire, très très forte, entre guillemets, et en même temps, j'allais dire, une image qui peut interpeller. Hein, parce qu'on s'aperçoit que la mort est reine, entre guillemets, du destin des hommes. Et on retrouve également, toujours chez le même, justement, la mort ici qui marche avec son fifre en tête d'une armée qui part pour la bataille. Donc là aussi, c'est hautement symbolique. Hein. Et justement, ça concerne cette période de la guerre de 1914, où on a eu affaire à des morts de masse. C'était non pas des morts individuelles, mais c'était des morts par bataillon, par compagnie, par groupe, etc. C'était de la mort industrielle, entre guillemets. Et donc là, on aperçoit beaucoup mieux quel peut être le rôle, entre guillemets, de la mort. C'est elle qui guide. C'est elle qui guide absolument tout. Hein. C'est elle qui prend la tête. C'est elle qui manipule donc les guerriers. Et après la guerre, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça, c'est la distribution de tous les faire-part de décès, entre guillemets, aux familles, la mort qui distribue donc les actes de décès. Donc là, ça fait partie d'un portfolio d'une douzaine donc, de gravures donc, qui ont été faites par Melchior Grossek, mais il n'est pas le seul, puisqu'on va trouver, donc c'est un peu le point de départ, donc on va trouver d'autres représentations de la mort dans les journaux du front allemand. Alors les journaux du front allemand, on peut les évoquer rapidement, du moins ceux qui nous intéressent et qui intéressent le front de l'Est de la France. Ici, on a un dessin d'Eugène Oswald. Eugène Oswald, c'est un peintre, aquarelliste, connu en Allemagne comme un peintre animalier. Il a d'ailleurs ses tableaux, notamment, sont relativement recherchés, puisqu'il en a fait avant la guerre, après la guerre, mais pendant la guerre, comme beaucoup, il a été requis pour aller faire son devoir, entre guillemets, et il s'est retrouvé dans une formation sanitaire qui lui a permis, j'allais dire, de dessiner dans un de ses fameux journaux de tranchées, le Draht Ferrau, donc, qui était un des premiers journaux de tranchées allemands du front des Vosges, même s'il a été édité sur le versant alsacien, donc, puisque, après avoir été tiré au duplicateur à alcool, premier numéro en octobre 1914, ce journal a, par la suite, donc, été lithographié à l'imprimerie lithographie Albert Gess de Colmar. Et donc, ça donne effectivement des journaux de tranchées qui sont loin, j'allais dire, des journaux de tranchées français qui sont d'une qualité artistique, disons-le, très inférieure. Hein. Et on a justement des représentations de la mort par des artistes requis pour faire leur service militaire et qui vont exprimer justement certaines idées dans les journaux de tranchées. On a également ici Otto Wirsching, Der Totentanz, la danse des morts, anno 1915, année 1915. Donc c'est une série de 10 images. Wirsching en question donc, est décédé d'une maladie de cœur en 1919. Il avait à peine une trentaine d'années. Et donc il a réalisé aussi, c'est-à-dire une actualisation de ces fameuses danses macabres, puisqu'on le voit ici, des représentations de la mort qui, d'un côté, entraîne un juif polonais, bien entendu, il ne faut pas oublier que la Pologne avait été également envahie à cette époque-là par les Allemands, avec un type de caricature, j'allais dire, qui a eu son heure de gloire dans les décennies, les deux décennies qui ont suivi. Et puis, de l'autre côté, on a un franc-tireur belge. Voilà, donc c'est vrai que la mort était omniprésente sur tous les fronts, à tous les endroits du front. On le retrouve également ici avec un marin, et de l'autre côté avec une bonne sœur, puisque la mort a perdu ses mandibules devant l'hôpital militaire. Donc là, on a quand même, j'allais dire, une approche qui est une approche un peu humoristique, quoique, j'allais dire, elle fait quand même réfléchir. On a eu également, donc, parmi les unités qui étaient présentes sur le front des Vosges, des unités qui ont réalisé des cartes postales, dessiné et réalisé des cartes postales avec une représentation de la mort. Là, la mort, elle a un rôle particulier. Elle accompagne un geste du soldat qui est le soldat qui tue. Il envoie la mort. Il envoie la mort. Donc là, c'est la compagnie de Minenwerfer 230 qui était dans le secteur de la vallée de la Fave, donc dans les Vosges, donc en 1916. Et on voit la mort qui chevauche justement un engin de destruction. On a ici la même chose avec la compagnie de Minenwerfer 26, où on voit deux soldats avec un petit oiseau sur la bombe, donc qui se dirigent pour charger leur engin de mort, d'où sort effectivement la mort avec la faux. On trouve également donc d'autres représentations sur une carte postale ici de 1917, une équipe de mitrailleurs. Et le mitrailleur de droite, avec surprise, découvre que son copain, de l'autre côté, qui sait, c'est la mort. C'est la mort. Et donc, on peut se dire, mais le problème, est-ce que ça ne pouvait pas avoir un impact négatif sur le moral des soldats? Le fait d'évoquer la mort, ça veut dire qu'on peut penser à la mort et ça peut vouloir dire qu'on veut éviter, si possible, la mort. Le problème, c'est pas un problème. Le constat que l'on peut faire, c'est que le rapport avec la mort des soldats allemands et de la société allemande en général n'était plus du tout la même que celle des rapports avec la mort qu'entretenaient les soldats français et la société française. C'est-à-dire qu'on aurait dessiné dans un journal français, journal du front français, j'allais dire la mort sur le front, la mort là où étaient les soldats. Ça aurait été contre-productif. Parce que ça aurait pu foutre la trouille, entre guillemets, aux soldats. Ça aurait pu leur dire, bah oui, la mort, je la côtoie, la mort, je la donne. La mort, elle est représentée, elle est là. On ne l'évoque pas. On ne l'évoque pas. Je ne connais aucun journal de tranchée français dans lequel il y a une représentation de la mort. Aucun. Aucun. Alors qu'en Allemagne, c'était beaucoup plus fréquent. On avait apprivoisé, en quelque sorte, l'idée que la mort était là, l'idée que la mort faisait partie, justement, de la partie de guerre, et on était persuadé que c'était quelque chose de normal. C'était intégré, tout à fait intégré. Donc on retrouve ici le drap de Ferrao, donc le journal dont on a parlé tout à l'heure, avec un autre dessinateur qui s'appelle Otto Obermeier. Otto Obermeier se fait connaître en Allemagne et surtout en Bavière, donc après la guerre, comme peintre publicitaire. Il a fait beaucoup de publicité pour certaines bières allemandes, certains produits, etc. Mais comme tous les autres, ou comme beaucoup d'autres, il a fait son service militaire pendant la Première Guerre mondiale et il a été aussi requis à certains moments où il s'est proposé pour faire des dessins dans des journaux de tranchées. Donc ici, on l'a dit tout à l'heure, le drap de Ferrao. Donc on voit la mort ici, Totentanz, donc à la mitrailleuse. On la voit ici chevauchant une bombe. On la voit ici, ce qui est un peu plus angoissant, en train de présenter aux soldats un miroir dans lequel le soldat se voit mort, voit sa tête en tête de mort, entre guillemets. Et bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, on peut se dire que, oui, mais est-ce que ça ne pouvait pas être contre-productif ? On n'aurait jamais toléré ce type de dessin, j'allais dire, dans l'armée française. Jamais. Là, en quelque sorte, on n'ose pas. L'état-major allemand n'ose pas censurer. Pourquoi ? Parce que c'est un ressenti, entre guillemets, et qu'ils ressentent aussi ce ressenti. Et par conséquent, on laisse passer ce genre de choses. Il est évident que pour le soldat qui était, en l'occurrence, au 1er régiment de l'Anwer bavarois, donc qui éditait ce journal, il est évident que quand il regardait cette illustration, il pouvait se poser des questions. Ça peut être moi. Ça peut être moi. Et si je me regarde dans la glace un jour et que je me revois comme ça, c'est problématique. Voilà. Et puis, bien entendu, on trouve ici également la mort en tant que sanitaire en train de creuser donc une tombe. Donc, ces représentations donc, font l'objet d'une série qui est parue, un dessin par dessin, donc dans ce journal, le Drap de Pharao, qui était hebdomadaire, et donc qui comptait 8 pages. Et à chaque fois, dans plusieurs numéros qui sont suivis, il y avait une représentation des Totentanz, danse des morts, adaptée justement à la période 14-18, et en l'occurrence ici par Otto Obermeier. Alors, la question aussi, c'est de savoir si on peut se moquer de la mort, la prendre à la légère, si j'ose dire, et quelque part la vaincre, ou quelque part l'apprivoiser, ou quelque part, je veux dire, faire en sorte de pouvoir l'affronter sans trop avoir la peur au ventre. Justement, donc, la question qui se pose à un certain moment, on voit ici un soldat allemand en train de donner la fessée, entre guillemets, à la mort. Oui, la mort, c'est une idée, j'allais dire, qui s'apprivoise. Tous les individus, tous autant que nous sommes, consciemment ou non, en train d'apprivoiser l'idée de la mort. Il est certain que bon, ça arrivera un jour, donc à la limite, il vaut peut-être mieux essayer d'apprivoiser cette notion, bon, plutôt que ne pas y penser, ou y penser et puis sombrer, j'allais dire, dans des délires psychédéliques. Hein. Et c'est également une question qui se pose aussi aux combattants allemands de la période de la Première Guerre mondiale au travers de ces exemples donc, que nous avons vus. Hein. Il est évident que c'est quelque chose de totalement inédit et peut-être quelquefois incompréhensible du côté français. Et on n'a pas l'équivalent. On n'a pas l'équivalent et on était beaucoup moins proche, j'allais dire, de la mort que ne l'étaient, en définitive, les Allemands qui avaient beaucoup moins rompu avec la tradition médiévale des danses macabres que nous ne l'avions fait. Donc là aussi, c'est une différence culturelle assez importante. Puisque des dessins qui faisaient réfléchir, il en fallait pas trop. Dans les journaux de tranchées français, c'était surtout un peu de la gaudriole, c'était quelquefois même de la scatologie, et quand on représentait l'ennemi, c'était vraiment, j'allais dire, sous une forme très très désavantageuse pour lui, ce qui n'était pas obligatoirement le cas de l'autre côté. Ça aussi, j'allais dire, c'est une différence, une divergence culturelle de la perception de l'ennemi que pouvaient avoir l'un et l'autre. Dans la société militaire, entre guillemets, si j'ose dire, française, la représentation de l'ennemi est toujours une représentation très désavantageuse. Dans la mesure où, si on prend toutes les représentations des Allemands, ça va être soit des gros pleins de soupe, si possible, le rouquin avec un casque à pointe qui étripe éventuellement des petits-enfants avec une baïonnette, si possible, une baïonnette-ci. Hein, voilà, ça peut être des clodos, ça peut être des pilleurs. On les voit représentés d'une façon physiquement, j'allais dire, d'une façon très désavantageuse, des gros pleins de bière ou des gros pleins de soupe. Et ça court les rues, si je veux dire, dans les publications françaises et pas simplement dans les publications militaires. Donc ça veut dire que la vision qu'on avait ou qu'on communiquait, c'était celle de considérer l'ennemi comme véritablement, j'allais dire, je ne vais pas dire un clodo, mais comme véritablement, ce n'est pas un combattant. C'est tout sauf un combattant, quoi. Côté allemand, et c'est là la grande différence, sur le plan de l'appréciation, on trouve moins de caricatures de soldats français ou alliés en général, qui soient vraiment désobligeantes. Bon, de temps en temps, on va représenter le soldat français comme il était en 1870 avec les godillots qui laissent passer les doigts de pied, hein, par exemple. Bon, ça, je ne vais pas dire c'est de bonne guerre, mais d'un autre côté, les Allemands réagissaient autrement, c'est-à-dire que pour eux, en définitive, à vaincre un ennemi qui ne valait rien, ça ne nous glorifiait pas trop. Donc du coup, ça veut dire qu'il fallait quand même conserver à l'ennemi un statut qui permette d'affirmer qu'on lui était supérieur ou qu'on arrivait à le vaincre. D'ailleurs, bon, dans ces périodes-là, le mot à la mode donc, dans la société allemande, c'était plus d'ennemis, plus d'honneur. C'est-à-dire qu'ils se consolaient un peu comme ça, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle nation qui entrait en guerre, donc aux côtés de la France, notamment quand les Américains sont intervenus en 17, on considérait qu'effectivement, on n'allait pas, bien entendu, dire « Oulala, qu'est-ce qui va nous tomber dessus quand on était Allemand ?» On disait « Plus on a d'ennemis et plus on leur résiste, plus on est costaud, plus ça nous honore. » Il y avait une autre notion, j'allais dire, du guerrier, et de la valeur guerrière. Donc tous ces petits exemples démontrent bien, comme on l'a dit tout à l'heure en commençant, qu'il y a quand même des différences culturelles dans les approches que l'on peut avoir d'un côté du Rhin et de l'autre côté par rapport à la mort, et pas simplement par rapport à la mort, mais par rapport à nos relations avec le vivant et par rapport à nos relations avec les autres, et notamment ceux qui peuvent nous être opposés à un moment donné. On a vu aussi que la représentation de la mort, qui était quelque chose de banni, entre guillemets, dans les publications françaises pour soldats, on n'avait pas le droit de parler de la mort, ça ne se faisait pas, hein, on préférait parler d'autre chose, hein, un peu de gaudriole, c'était un peu mieux, hein, voire même de scatologie à certains moments, mais pas de la mort. Hein. La mort était déjà dans notre société française, c'est-à-dire quelque chose qui était devenu obscène, c'est-à-dire qui était sorti de la scène. Le phénomène, bien entendu, s'est accentué avec l'entre-deux-guerres. Bon, il y a eu la petite rebelote de la Seconde Guerre mondiale, si j'ose dire, et depuis, bah, il y a eu, j'allais dire, l'avènement, le couronnement de notre société industrielle, société du spectacle, société du visuel, etc., qui fait qu'en définitive, on l'a dit en commençant, on a évacué complètement toute idée de la mort, toute représentation de la mort. On gomme, on sait très bien, hein, y compris d'ailleurs sur le plan de la télévision, on ne nous montre rarement, j'allais dire, des représentations de la mort ou des personnes mortes, mais au nom de je ne sais pas quelle morale. Et quand il y a un accident au bord de la route, on se dépêche d'évacuer très rapidement non seulement les personnes victimes de l'accident, mais également l'épave et éventuellement les taches de sang qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste dans le paysage. Autrefois, quand il y avait les enterrements, il y avait le corbillard. Le corbillard traversait toute la ville. Les gens suivaient derrière. Pensez à la chanson de Brassens. Et aujourd'hui, j'allais dire, on meurt de façon tout à fait anodine, si j'ose dire. On est des produits, on redevient des produits de dernière minute, en quelque sorte. Donc, à partir de ces quelques exemples, c'est vrai que les sources de réflexion sont relativement nombreuses. Bon, on a parlé effectivement du rapport entre le soldat et la mort, on l'a dit tout à l'heure, c'est un rapport tout à fait particulier. Le soldat ne fréquente pas la mort ou n'est pas fréquenté par la mort comme les autres. C'est de laisser entendre que la situation, le statut de soldat est un statut particulier. C'est quelqu'un qui tutoie la mort ou qui est tutoyé, entre guillemets, par la mort. Ce qui n'est pas le cas des autres personnes qui attendent que la mort vienne les chercher plus ou moins tranquillement. Voilà, alors donc, pour terminer quand même une avant-dernière petite image, toujours Otto Wirsching, donc von Totentanz, donc de 1916, avec la mort que l'on voit ici, avec en dessous le panneau « Nicht berühren », « Ne pas déranger ». Alors, est-ce qu'effectivement, faut-il la déranger ou faut-il ne pas la déranger? Faut-il se sentir soi-même dérangé de la déranger? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, une chose est certaine, elle est là, elle est présente, et même si on ne veut pas la déranger, un jour, ce sera elle qui nous dérangera définitivement. Mais, j'allais dire, ceci est une autre histoire que nous pourrons certainement suivre. Et pour terminer ici, donc on a une litho de Schnoug, Léo Schnoug, donc l'illustrateur alsacien, auquel on préfère Hansi, bien entendu, parce que Hansi, c'est un bon illustrateur, bien cocorico, alors que Schnoug, il a un peu trempé dans la restauration d'où Königsbourg et compagnie, donc il a un peu trop marqué Guillaume II. C'est une représentation assez intéressante, justement, de la mort, avec le sablier sur son drapeau, et en dessous, c'est Meine Fahne folgen alle, tous suivent mon drapeau. Bon, effectivement, on est tous obligés de suivre ce drapeau-là. Bon, volontairement ou en traînant les pieds, ou on ne sait pas, mais obligatoirement, on suivra ce drapeau, même si on est des civils. Voilà, je vous remercie pour votre attention après ce petit survol relativement rapide, mais qui nous aura permis, j'allais dire, de prendre quelques petits repères chronologiques, indépendamment, j'allais dire, de l'aspect de la représentation, donc de la mort dans les journaux de tranchées allemands. Bon, il est évident qu'il y en a plus que ça, mais le temps étant limité, on fera une exposition peut-être un jour, pourquoi pas, là-dessus. Bon, je signale à tout hasard, pour ceux qui sont du secteur de Saint-Dié et que ça intéresse, que pour les journées de l'archéologie, donc au mois de juin, je ferai une visite des espaces sépulcraux des églises de Saint-Dié, c'est-à-dire justement évoquer ce qui n'est plus visible à part deux sarcophages qui ont été conservés, évoquer ce qui n'existe plus, c'est-à-dire les endroits où effectivement il y avait des ossuaires, les endroits où il y avait également donc, les lieux d'inhumation et compagnie, et ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on l'a dit tout à l'heure, on préfère voir aujourd'hui dans les édifices religieux quelque chose de propre, de net, bien rose dans nos contrées avec le grès, etc., et gommer tout ce qui peut faire un peu désordre. Et on ne va surtout pas laisser une image de la mort ou quelque chose de désobligeant que les touristes ne voudraient pas avoir dans le cadre de leur appareil quand ils prennent les photos souvenirs. Alors, y a-t-il des questions ? Oui. Vous demandez à quel moment est-ce qu'on a représenté la mort avec la faux ? On l'a vu une paire de fois dans vos images, mais après ça disparaissait. C'est moderne, entre guillemets. La question de la faux, parce que déjà, j'allais dire, le type de faux avec lequel on voit la mort représentée habituellement, c'est la bonne grande faux, du moins avec une larme très large, très longue. Alors qu'en fait, j'allais dire, dans les sociétés de l'époque, y compris au Moyen-Âge, les faux étaient beaucoup plus courtes que ça, et on moissonnait surtout à la faucille. Donc la faux, c'est quand même quelque chose de relativement... c'est exactement comme les chapeaux pointus des magiciens. C'est quelque chose que chaque fois qu'on doit faire la mort, obligatoirement, c'est quasiment une convention, on met la faux, parce que la mort, c'est elle qui fauche. Mais quand on prend justement les Toten Tanz, les danses macabres, justement du XVIe siècle et autres, la mort n'a pas d'arme, entre guillemets. Elle vient chercher. Elle vient chercher, elle agrippe, elle vient chercher. Elle prend par la main, elle embarque le bébé dans son berceau, mais, j'allais dire, elle n'est pas là pour faucher, elle ne fauche pas. Bon, l'histoire de la faucheuse, c'est quelque chose qui s'est imposé par la suite et qui est devenu, comme bien souvent, la seule représentation. Hein, je dis comme maintenant, je dis dans Harry Potter, c'est les chapeaux pointus, quoi. Et il n'y a jamais eu de sorcier qui ait porté des chapeaux pointus de ce type-là. Puis en plus, comme on est, j'allais dire, vérolé par la culture anglo-saxonne, donc on va chercher de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche, j'allais dire, des représentations iconographiques qui ne nous concernent pas. Il y avait une autre question. Oui. C'était vraiment très intéressant et j'avais une question très pratique, c'est la dimension de ces images dans les journaux de... Dans les journaux, journaux de tranchées, 21-29-7, en gros. Et c'est une pleine page. Oui, oui, oui. C'est une pleine page, 21-29-7, et c'était lithographié. D'accord. Et ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était ces journaux de tranchées, ils étaient destinés à quel lectorat enfin, c'est... Alors, il y avait deux types de lectorat. Je ne connaissais pas du tout. Il y avait deux types de lectorat. Bon, quand on prend par exemple celui dont il est question surtout, là, c'est le drap de Ferrao. Donc, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a eu d'autres qui étaient imprimés d'ailleurs à Colmar chez Gess, Albert Gess à Colmar, donc qui était le Vogesenwart, la garde des Vosges. Il y en a un autre qui s'appelait le Bacillus Verus parce qu'il était l'œuvre d'un groupe de sanitaires, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir sur le front des Vosges, en particulier sur le versant alsacien, j'allais dire, une proportion relativement importante de journaux du front allemand et surtout d'une qualité qui est quand même quelque chose de pas compréhensible côté français, quoi. Pour nous, un journal, il fallait que ça ressemble à un journal, quoi. Donc il y ait des trucs écrits, etc. Tandis que là, surtout qu'avec les contributeurs, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, étaient des artistes sous l'uniforme et qui contribuaient à leur façon, etc. Donc ça veut dire que, pour y revenir au drap de Ferrao, donc le premier numéro qui est sorti en octobre 1914, ça a été un numéro qui a été tiré au duplicateur à alcool au niveau d'une compagnie. Bon, quand on sait qu'une compagnie, c'est à peu près 200 bons hommes, quand on sait que de toute façon, tout le monde n'était pas intéressé par ça, donc ça veut dire qu'il y a très peu d'exemplaires des premiers numéros. Après, au niveau de l'état-major, on s'est aperçu qu'il y avait une demande, j'allais dire, à ce niveau-là, hein, et donc de journal de compagnie, c'est devenu journal d'un régiment. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça voulait dire qu'il y avait des tirages beaucoup plus importants. Et que, d'un autre côté, ces tirages plus importants pouvaient être dispatchés à l'arrière, c'est-à-dire vendus, par exemple, dans les gares de Colmar à d'autres réservistes, à d'autres militaires permissionnaires qui rentraient chez eux. Des civils s'abonnaient également, à la fois pour soutenir le journal et parce que bénéfices qui étaient faits étaient la plupart du temps versés à des veuves ou à des orphelins ou enfin à des œuvres caritatives liées au régiment en question. Et puis d'un autre côté, ça donnait une image, entre guillemets, du moral du soldat à l'extérieur. Vous voyez, nos soldats, bah, ils se battent peut-être, mais aussi ils écrivent, ils dessinent, etc. Et donc on en a quelques-uns comme ça qui sont, je ne veux pas dire de véritables œuvres d'art, mais bon, et des artistes que l'on retrouve après, enfin déjà qui avant la guerre pour certains étaient connus, travaillaient y compris pour des magazines comme Jungend, et qui après la guerre ont fait des carrières, soit dans la publicité, soit dans la peinture, etc. Et puis bon, bah, y en a peut-être un ou deux aussi qui ont trempé dans les péripéties du Troisième Reich, quoi, hein, parce que bon, quand on fait des beaux dessins, on est quelquefois récupéré aussi par les idéologues qui veulent mettre en avant certains aspects. Voilà, donc. D'autres questions ? Merci. Bonsoir. J'avais une question sur la représentation d'un polichinelle à un moment. La mort était en polichinelle. Oui. Et puis là aussi, il est un petit peu en personnage de théâtre, en fait. Voilà. Alors, donc ici, là, on n'est pas pendant la guerre. Ça, c'est un dessin de Schnoug qui est antérieur à la guerre et qui n'est donc pas dans le contexte de la guerre. Donc, l'autre représentation où on voit la mort en polichinelle avec sa crécelle, c'est tout simplement parce que c'est le journal qui est sorti dans la période de carnaval. C'est-à-dire qu'on collait quelque part à l'actualité. Hein, donc je pense qu'on aurait pu mettre un bonnet de Père Noël si ça avait été Noël. Enfin, peut-être pas, il ne serait pas allé jusque-là, mais j'allais dire c'est relatif à la période aussi, quoi. Et c'est quand même grinçant, entre guillemets, dans tous les sens du terme, de voir la mort représentée justement attifé comme pour un carnaval, est en train de prendre son pied, entre guillemets, à piétiner des fantassins dans les tranchées. Quoi. Oui. C'était une idée pour la périodicité de la sortie de ces journaux, parce que là... On l'a dit hebdomadaire. Hebdomadaire, d'accord. Et en fait, une autre question que je voulais poser, c'est est-ce que ces journaux ont franchi la ligne de front ? C'est-à-dire, est-ce que, quelque part, les Français ont pu voir les journaux allemands ? Oui, obligatoirement. J'allais dire obligatoirement, mais d'un autre côté, j'allais dire, ça ne leur servait pas à grand-chose, à part, j'allais dire, de voir sur le moral, voilà, l'impact éventuel sur le moral du soldat allemand que ça pouvait avoir, ou la manière, justement, dont on entretenait le moral du soldat au front. Ça ne pouvait pas apporter, j'allais dire, grand-chose d'autre, quoi. Puis on n'allait pas s'amuser à copier les Allemands par rapport à ce type de production. Ça n'aurait pas marché, j'allais dire, côté français. Non. Vous avez la bibliothèque universitaire de Strasbourg qui a une collection relativement importante, dont une partie dont des exemplaires sont numérisés et sont visibles sur Internet, sur le site de la BNU de Strasbourg. Mais il y a eu, donc justement, pendant la guerre, beaucoup de bibliothèques allemandes ont créé ce qu'ils ont appelé des collections de guerre, c'est-à-dire ils se sont abonnés à tout ce qui était publication par et pour les soldats. Bon, alors il est évident que c'est assez important, parce que le front allemand, il allait jusqu'au Dardanelles d'un côté, et jusque la Russie de l'Ukraine, la Pologne de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a des journaux qui sont parus à Baranovitchi, par exemple, comme il y a un journal au moins qui est paru pour les troupes allemandes qui opéraient aux côtés des Turcs, donc dans les Dardanelles. Bon, si on rajoute à ça d'autres types de publications un peu liées, enfin, pas directement liées aux combattants, mais des publications dans les camps de prisonniers. Donc il y avait notamment un journal imprimé par les Allemands en arabe qui s'appelait El Tchiad, et qui était distribué aux prisonniers de guerre musulmans dans les camps de prisonniers allemands en Allemagne. Donc ça veut dire que c'est toute une presse, j'allais dire, qui est une presse de guerre, une presse parallèle, et qui n'intéressait pas obligatoirement. Hein, alors qu'en définitive, c'est une mine de renseignements. Quoi, hein. Bon, si vous tombez en plus sur, si on parle simplement des camps de prisonniers, sur les journaux qui étaient faits par les prisonniers allemands de l'île de Man, donc en Angleterre, hein, qui étaient des prisonniers civils allemands, autrichiens, donc, qui étaient tous sauf militaires quand ils ont été alpagués parce qu'ils étaient en Allemagne quand la guerre, ils étaient en Angleterre quand la guerre a éclaté. Et ils étaient maîtres d'hôtel, ils étaient dans des équipes de foot qui devaient faire une partie de foot en Angleterre, ils étaient dans la marine allemande, ils étaient bonnes, entre guillemets, elles étaient bonnes et compagnie. Et, bah, et le problème, c'est qu'on n'allait pas les laisser retourner chez eux pour qu'ils enfilent un uniforme. Donc il y a à peu près, oui, c'est de l'ordre de 10 000 ressortissants allemands qui ont passé 4 ans dans l'île de Man et qui ont eu également leur journal. Même chose au Japon. Au Japon, où il y avait 3000 prisonniers de guerre allemands donc, qui ont été faits par les Japonais dans les colonies, ex-colonies de Chine des Allemands, hein, et qui ont passé, bah, eux, ils sont faits jusqu'en 1919. Les derniers sont revenus en 1920. Et vous avez également leur... leurs journaux du front. Donc ça, c'est vrai que c'est des publics, ça s'adresse à des publics, et c'était fait par des publics limités dans des conditions bien, bien particulières. Mais il n'y a pas véritablement, j'allais dire, de grosses collections à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas facile à trouver. Bon, j'en ai quand même quelques-uns, peut-être un peu plus qu'à Strasbourg, mais bon, j'allais dire, il faut chercher. Il faut savoir que ça existe avant de chercher. D'autres questions ? Alors, je vais juste peut-être un peu m'éloigner un peu du sujet, mais vous me direz si j'ai toujours dedans ou pas. Jusque avant la représentation de la mort, c'était souvent un crâne, hein, on voyait dans les tableaux, etc. Oui, vanité, oui. Souviens-toi que tu vas mourir, etc. etc. Et du coup, dans ce que vous nous présentez là, un peu, ça nous fait penser un peu à Posada. Le squelette est arrivé, donc du coup, qu'est-ce qui a fait le tournant entre le moment où on a représenté la mort uniquement par un crâne et au moment où on a fait entièrement le personnage, un corps entier, un squelette entier. Il y a ces deux représentations totalement différentes. Parce que la mort squelette, entre guillemets, c'est une mort en action, si j'ose dire. C'est une personne, c'est une personnification. Le crâne, c'est un vestige d'un corps, c'est quelque chose de mort, entre guillemets. Le crâne, il ne va pas vous agresser, il ne va pas... le crâne, il est là, il est statique. Ça n'est qu'un crâne. Bon, et le crâne est beaucoup plus représenté, notamment l'iconographie ou la statuaire religieuse. Dans les pieds de calvaire, par exemple, on va trouver un crâne et éventuellement deux ossements. Dans les entrées de cimetières, cimetières anciens, on va trouver un crâne et deux ossements, etc. Parce que c'était le symbole de la mort. Mais un symbole, je ne vais pas dire neutre, un symbole moins actif que la représentation du squelette. Hein, c'est pour ça que, effectivement, quand on voit les Memento Mori et les nombreux tableaux qui ont été faits où on voit un crâne d'ivoire posé à côté d'un livre de messe et d'une bougie, par exemple, c'était fait pour inciter à la réflexion. Hein, on regardait ça, on réfléchissait, et d'ailleurs, dans pas mal de communautés religieuses, j'allais dire, il y avait un crâne. Il y avait un crâne qui était destiné à rappeler que, voilà, et ça pouvait établir à un certain moment un dialogue, si j'ose dire, entre celui qui pensait à la mort et l'objet qui devait lui rappeler la mort. Mais la représentation du crâne est quelque chose, j'allais dire, de beaucoup moins répandu dans le domaine de l'iconographie. C'est surtout du côté religieux, oui, pour les raisons qu'on vient d'exposer, mais ça n'est pas la mort en action, c'est plus calme. C'est-à-dire, là, on a un résultat. Le résultat, c'est un crâne. Voilà. Bon, on réfléchit par rapport à ça, le crâne ne bouge pas, on est tranquille. Une représentation de la mort prenez simplement Ligier-Richier, donc le transit de Ligier-Richier, ça peut faire réfléchir autrement que quand on voit un crâne. Ça peut interpeller d'une façon différente. C'est pour cette raison que la représentation du mort en squelette, avec d'ailleurs, on ne va pas en parler parce que ça nous emmènerait trop loin, mais l'évolution de la représentation, parce que dans les premières représentations, il y avait, ce n'était pas les squelettes bien propres, entre guillemets, les ossements, c'était, il y avait encore des lambeaux de chair ou des haillons qui pendaient, c'était pas tout à fait, on n'était pas tout à fait complètement pourri, quoi. Hein, voilà. On peut dire ça comme ça, quoi. Avec parfois des petits vers encore présents. Représenter. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Jean-Claude Fombaron. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.